Chapitre 10e. La semaine suivante, j'écrivais alors la lettre suivante que je viens de retrouver dans mes papiers. C'est un résumé très exact de mes premières impressions universitaires. Roche-Baron, 10 octobre 1850 et quelques. Cher bien-aimé, que je voudrais toute ma vie adorer à genoux, j'espère que tu ne me sauras pas mauvais gré d'être demeuré 8 jours, c'est-à-dire 8 000 ans, sans t'écrire. Par le court billet que notre mère a reçu de moi, vous savez déjà toutes deux que mon voyage s'est fait sans accident, mais je ne puis pas dire qu'il ait été parfaitement heureux. Tu te rappelles la riante esquisse que M. Aubaret m'avait faite de la vie universitaire. Le souvenir de son discours me poursuivait en wagon, et je me récitais mentalement à moi-même tous les avis qu'il m'avait prodigués à être respectueux pour l'évêque, le grand vicaire et tout le clergé, et dévoué au préfet et au gouvernement, plaire au recteur, ne point parler, ne point rire, ne pas jouer, ou si je joue, ne pas gagner, mais ne pas perdre, n'avoir pas d'esprit, n'être pas bête, etc. Pendant que je repassais cette litanie, j'entendis tout à coup dans le wagon un ronflement sonore qui partait d'un tas de couvertures. J'avais un voisin et même, autant que je pus en juger par sa tête qui sortait de ce tas coiffé d'une calotte de velours noir, ce voisin était fort laid. Les yeux étaient gros et saillants, le front fuyant et étroit, la bouche énorme et lipue, le nez trop court, le menton carré et d'une longueur infinie, et l'intervalle entre le nez et la lèvre supérieure aussi long que le nez lui-même. Le tout soigneusement rasé et orné d'une physionomie de laquais devenu bedeau par protection. Tu verras bientôt pourquoi je te donne tous ces détails. Ajoute que je m'étais mis dans un wagon de première classe pour voyager plus à l'aise. Rien de tout ceci n'est indifférent. Vers Étampes, mon voisin s'éveilla, étendit les bras et les jambes, ouvrit, pour bâiller, une bouche formidable qui ressemblait à la gueule d'un four de boulanger et me regarda d'un air curieux. Je ne sais pourquoi il eut envie de causer, mais je répondis si brièvement à ses premières questions qu'il fut sur le point de se décourager, et plût au ciel que je n'eusse soufflé mot ce jour-là. Je n'aurai pas maintenant sur les bras le plus désagréable ennemi que puisse avoir un homme de ma profession, mais la précaution même que je prenais pour l'éviter tourna contre moi. J'avais déposé à côté de moi cette petite édition anglaise du Don Juan de Byron, que tu connais et qui ne me quitte presque jamais. Byron, tu le sais, est un de mes poètes favoris. Non que j'aime ses cris de désespoir et cette ironie continuelle qui fait le fond de tous ses livres, mais parce que sa destinée a été l'une des plus brillantes et des plus malheureuses de ce siècle, parce qu'il était homme d'action aussi bien que poète, et enfin, parce qu'il est mort pour une noble cause. Tant d'autres vivent, s'engraissent et crèveront sur un fumier de millions. Mon homme lut de loin avec son binocle le titre du livre et me demanda si j'étais anglais ou si je savais l'anglais et si j'avais voyagé en Angleterre. Puis, passant de là à Byron lui-même, il déclara que c'était un poète de contrebande, un cœur corrompu, un homme sans tendresse, justement haï de tout le monde, séparé de sa femme et de sa fille, libertin, ruiné, perdu de dettes, etc. Tu connais la kyrielle des reproches légitimes et illégitimes que les imbéciles qui ne font jamais aucune faute parce qu'ils ne sentent, ne connaissent et n'imaginent rien peuvent adresser à ce pauvre grand homme. Je laissai passer les premiers sans rien dire, car pourquoi mettre des bornes à l'éloquence d'un sot? Cependant, ce flux de paroles m'était insupportable, et sur une dernière sottise plus grosse que les autres, je commençai à relever le gant et à soutenir que Byron n'était pas si blâmable, que ses contemporains les meilleurs ne valaient guère mieux que lui, que ses mœurs si décriées n'étaient pas pires que celles de beaucoup de gens austères qu'il avait rejetés de leur société, et qu'après tout, s'il avait bien des vices, il n'avait pas du tout le vice capital de sang et de sa nation, c'est-à-dire l'hypocrisie. Ah, maudite envie de pérorer et de répliquer, que tu vas me coûter cher. Au mot d'hypocrisie, mon homme se redressa et se rajusta d'un air roide, comme si j'avais eu dessein de lui faire une offense personnelle, et j'eus alors le loisir de voir que je venais de parler à un chevalier de la Légion d'honneur. Cependant, je ne m'inquiétais pas beaucoup de cet accident, ni du silence qui suivit, du moins jusqu'à la station de Roche-Baron, c'est-à-dire environ 80 lieues plus loin, où nous quittâmes le train en même temps. comme je cherchais un omnibus pour y mettre mes bagages et aller à l'hôtel des Trois Couronnes, un monsieur qui paraissait attendre quelqu'un à l'embarcadère s'avança vers mon interlocuteur de l'air du plus grand respect et le salua profondément. Par ce salut et par le dialogue qui suivit, j'appris que je venais d'avoir l'honneur de voyager avec monsieur le recteur du département de la Basse-Sigoule, dont Rochebarreau est le chef-lieu, de sorte que je venais de commettre, avant même d'entrer en fonction, l'une des fautes capitales que monsieur Aubaret m'avait tant recommandé d'éviter. J'avais contredit mon chef immédiat, et sa physionomie batracienne ne me permettait pas de douter qu'il en garderait un long souvenir. Avoue, ma chère Laure, que j'ai du malheur. Cependant, comme après tout, si mon avancement dépend de lui, ma vie, du moins, n'est pas à sa merci. Comme tu m'aimes, comme je t'adore, comme tous les chocs extérieurs ne pourront rien sur moi tant que je serai entre toi et ma mère, je pris tout de suite mon parti de ce contretemps et j'allai droit à l'hôtel avec mes bagages, non sans qu'il eût regardé mon nom, qui était écrit en grosses lettres sur le couvercle de ma malle. Je vis que j'étais reconnu, mais je me promis bien d'éviter désormais sa rencontre. Je ne ferai pas la description de Rochebarreau. Tu le verras dans 3 jours, car j'ai trouvé déjà un logement. C'est une assez jolie ville, perchée sur une colline qui est entourée de 3 côtés par la Sigoule, petite rivière très calme, très profonde, presque immobile et semblable à un étang. L'extrémité de la colline est occupée par un grand jardin public, planté de massifs et de charmilles, qu'on appelle Crécy, du nom de l'intendant qui le fit planter au siècle dernier. La cathédrale, tu sais mon faible pour les vieilles cathédrales, date au moins du 10e siècle. Elle est bâtie au sommet de la colline, sur le bord d'un précipice à pic, au fond duquel dort la Sigoule. Du sommet des tours, on découvre tout le pays à 10 lieues à la ronde, excepté d'un seul côté où la vue est bornée par une petite chaîne de montagnes détachées des Cévennes et s'avançant au midi dans la plaine. Je me promis bien d'y revenir, mais pour ce soir-là, il fallait rentrer à l'hôtel des Trois Couronnes et dîner. J'étais seul avec un des habitués de la table d'hôte, car l'heure du dîner était passée pour tout le monde, excepté pour lui et pour moi. Nous avions tous deux fort grand appétit, et les petits services qu'on se rend à table nous délièrent promptement la langue. Mon voisin était d'humeur causeuse et me paraissait bon vivant. Il était grand, bien fait, avait des favoris et des lunettes, en tout la physionomie d'un Anglais, mais d'un Anglais bon enfant et jovial, ce qui n'est pas aussi rare qu'on le croit en France. Au bout d'un moment, « Vous êtes le professeur suppléant de 3e ?» me demanda-t-il sans préambule. J'étais un peu étonné de sa sagacité et mes yeux en disaient quelque chose. « Bon, continua-t-il, vous me croyez plus sorcier que je ne suis. J'ai vu votre carte sur la malle que déchargeait tout à l'heure le garçon de l'hôtel. Pour vous mettre à l'aise tout de suite, je suis, moi, le professeur d'histoire. Mon nom est Martin. Vous venez d'arriver ? Comme vous voyez. Moi, je suis un ancien. Voilà 7 ans qu'on m'a placé là. Je venais d'Avignon. J'étais en disgrâce pour n'avoir pas salué le proviseur d'un bout à l'autre de la place où il se promenait après dîner. Cette leçon m'a servi. Ici, je salue tout le monde, je veux dire les autorités, à plus d'un kilomètre. Je dépose ma carte tous les 8 jours chez tous ceux qui peuvent faire un rapport sur ma conduite, le commissaire de police y compris, et je vis très tranquille et très heureux. À quoi sert de se faire de la bile? Ces braves gens veulent être salués jusqu'à terre, ils en ont le droit puisqu'ils peuvent nous faire destituer. Êtes-vous marié? Il se mit à rire. « C'est parce que je suis philosophe que vous me croyez marié, » dit-il. « Eh bien oui, je le suis, et depuis 6 ans. Le métier serait trop dur sans cela. Quand je suis venu ici, je me rongeais les poings de fureur en me voyant disgracié. Peu à peu, cette fureur s'est calmée. Je logeais chez mon épicier, en garni. Insensiblement, j'ai fait connaissance avec lui. C'est un brave homme, tout rond, sans malice, qui entend les affaires à merveille, et qui a gagné des 100 et des 1000 dans le commerce des vins. Sa femme est grosse, grasse et bien portante, comme lui. Or, vous savez que la santé entretient la gaieté. Un soir, comme je rentrais paisiblement et ennuyeusement dans ma chambre garnie, au 2e étage, je rencontrai sa fille aînée dans l'escalier et je m'aperçus qu'elle était fort jolie et aussi bien portante que sa mère. 3 jours après, l'épicier m'arrêta au bas de l'escalier pour me faire goûter d'un vin de Bergerac qu'il avait depuis 15 ans dans sa cave et qui était, me dit-il, un vrai velours. Je me laissais faire bien volontiers, comme vous pensez. Je soupais avec eux. J'ai une belle voix. Je chantais au dessert deux ou trois chansons du vieux temps. Je plus au père, à la mère, à la fille. Je jouais 7 ou 8 parties de loto. Je racontais des histoires. Je fis si bien qu'à minuit, lorsque je voulus sortir, on me retenait en disant « Déjà ?» Jugez par là de mon succès, car des gens qui se lèvent à 5 heures du matin ne se sont peut-être pas couchés 3 fois dans leur vie à minuit passé. On m'invita de nouveau. Je revins. Rosalie me plaisait beaucoup. Tout le monde paraissait heureux de me voir. J'étais là comme un coq en pâte, aimé pour mes chansons, considéré pour ma science, chéri des parents et même de la petite sœur, et je puis le dire, aimé pour moi-même, car tout le monde savait que je n'ai pas un centime de patrimoine. Enfin, je ne sais ce que Rosalie dit à son père, mais le bonhomme un jour me prit à part et me dit « Monsieur Martin, vous êtes un bon enfant, vous me plaisez. Vous plaisez à ma femme, vous plaisez à tout le monde, enfin. J'ai 600 000 francs et mon commerce. Voulez-vous épouser Rosalie ?» Je ne fus pas trop surpris de la proposition, car déjà quelques demi-mots de la mère m'avaient mis sur la voie, et je protestais que je serais enchanté d'épouser Rosalie. « Mais, dis-je, y consentira-t-elle ? » ?»« Bon, répliqua le père, c'est mon affaire. » Effectivement, je crois qu'il avait pris ses précautions et qu'il savait d'avance à quoi s'en tenir. Je me suis marié et je suis très heureux. J'ai 2 enfants qui sont beaux comme leur mère et qui crient du matin au soir. J'attends sans impatience le moment où mon beau-père me cédera son commerce, ce qui ne saurait tarder car il devient pesant. Je suis déjà riche, au moins pour un professeur. Ma femme n'a qu'une sœur, de sorte que le partage sera facile. Je ne me soucie de rien. Je garde mon métier par égard pour mon beau-père, qui tient à avoir dans la plume quelqu'un de la famille. Mais je ne crains pas d'être destitué, et si je me sentais près de l'être, je jetterais le froc aux orties. On le sait bien, et sauf quelques marques de politesse banale qui ne me coûtent rien, on me laisse tranquille. Ma foi, lui dis-je à mon tour, je ne suis pas aussi heureux, car j'ai eu le talent de déplaire à mon recteur avant de le connaître. En même temps, je lui racontai ma conversation. « Diable !» dit-il, « vous n'avez pas de chance. Percepied est fort susceptible et encore plus rancunier. Il se souviendra 30 ans d'avoir été contredit. Comment l'appelez-vous ? Percepied, ou si vous voulez, Monsieur de Percepied. Il a ajouté le 2 à son nom pour faire oublier son père, qui était suisse de la cathédrale de Roche-Baron, et que ses compatriotes, par une allusion gracieuse à ses fonctions dans l'église, avaient surnommé Percepied Chasse-Chien. Le fils du Suisse, mis de bonne heure dans les mains ecclésiastiques, a été élevé au petit séminaire, et s'est toujours fait remarquer par une piété édifiante. C'est, je crois, son plus grand mérite, car on le soupçonne de n'être pas même bachelier. C'est peut-être une calomnie. Dans tous les cas, il chante fort bien au lutrin. Je le sais des auditu, moi qui vous parle. Jusqu'en 1848, le pauvre Percepied, malgré les protecteurs puissants qui s'étaient chargés de sa fortune, n'avait pas fait beaucoup de chemin dans l'université. En revanche, il avait trouvé moyen de s'introduire chez une veuve dévote et riche qui fréquentait la noblesse de Roche-Baron et dont le défunt mari a vendu du calicot à tout le département. Cette veuve avait une fille fort jolie, dévote comme sa mère, riche de l'héritage paternel et élevée dans l'opinion que Dieu même n'a pas d'autre organe que la voix de monsieur le curé. Percepied, qui est un pied plat, sut obtenir que monseigneur l'évêque daigna lui désigner pour gendre à la veuve. De la main de sa grandeur, tout devait être bien accueilli. La fille fit quelque résistance. Percepied n'est pas beau, comme vous savez, et l'on assure qu'il jouit de la propriété du calife Walid, qui faisait, au dire d'Abou Feda, bien des victimes parmi les mouches. Je ne puis pas vous garantir ce fait, étant trop respectueux pour ne pas me tenir toujours à distance. Enfin, le mariage se fit, et la pauvre Madame Percepied est au pouvoir du plus désagréable mari de Roche-Baron. Pédant, dévot et jaloux, à l'intérieur, voilà le personnage. Du reste, assidu chez l'évêque, qui le recommanda en 1849 à Monsieur de Falloux et le fit nommer recteur de sous-principal qu'il était au collège de Tarnac. Il a bien gagné son grade, Plus de 150 instituteurs primaires qui déplaisaient au clergé ont été destitués ou disgraciés et réduits, pauvres gens déjà si mal payés, à la plus cruelle misère. Plusieurs fois même l'évêque, touché du sort de quelqu'un d'eux, a mis des bornes aux ailes de perce-pied et intercédé en leur faveur. Le portrait n'est pas flatté. Ma foi, dit Martine, vous arrivez, vous êtes jeune, vous ne connaissez pas le terrain. Je vous montre les pieds jaloux où il ne faut pas mettre le pied. Pour moi, je ne crains rien, étant riche et n'ayant plus besoin du métier. À ces mots, il se leva et m'offrit un cigare. Venez faire un tour de promenade avec moi, dit-il. Je vous montrerai la ville, nous vous chercherons un logement, et nous finirons la soirée chez moi. Je suis seul ce soir. Ma femme, mes enfants et toute la famille sont allés faire les vendanges dans une ferme que mon beau-père possède à 3 lieues d'ici. C'est pour cela que depuis 2 jours je dîne à l'hôtel comme un commis voyageur. Mon nouvel ami me plaisait assez, quoique un peu bavard et médisant. Il me donna sur le censeur, le proviseur et tous les professeurs du lycée tous les détails imaginables. Celui-ci était bon enfant et facile à vivre. Celui-là aimait passionnément les calembours. Le troisième s'occupait de photographie à ses moments perdus et faisait, bon gré mal gré, le portrait de tous ses confrères. Le quatrième avait une jolie femme. Le cinquième aimait par-dessus tout le jeu de domino. Cependant, je remarquai avec plaisir que le recteur seul excepté, Martine n'avait dit du mal de personne. « Nous vivons entre nous, » ajouta-t-il, « pour éviter les discours des philistins, et nous n'avons jamais eu sujet de nous en repentir. Notre société est encore, et de beaucoup, la plus agréable de la ville, excepté les calembours qu'on enfile malheureusement par douzaines comme les grains d'un chapelet. Il n'y a vraiment aucun reproche sérieux à nous faire. Chacun, à son tour, achète les livres nouveaux et les prête à ses voisins. Nous avons 3 ou 4 journaux, ceux du gouvernement bien entendu. Quant aux autres, un de nos amis qui est républicain, quoique abbé, ce qui vous étonnera sans doute, les fait venir et nous les donne. Nous savons tout ce qui se fait, tout ce qui se dit et tout ce qui se médite à Paris. Et personne ne s'occupe de nous. La règle principale de notre société, c'est qu'aucune parole ou opinion de l'un de ses membres ne doit être connue en public, vu la surveillance ombrageuse des autorités. Et il n'y a pas d'exemple que cette règle salutaire ait été violée. Si elle l'était jamais, l'indiscret serait mis en quarantaine perpétuelle. Une fois ou deux, le recteur et le proviseur, ayant eu vent de nos conciliabules, ont voulu y être admis. On les a laissés entrer, mais tout le monde a joué au whist avec acharnement, ou gardé le silence, ou parlé à voix basse. Après 1 heure de séance, ils ont été forcés de déguerpir. C'est bien le moins qu'un professeur puisse prétendre, de causer quelquefois librement après dîner, entre amis, loin de sa classe et loin de ses chefs. Dès demain, si vous voulez, je vous présenterai, et vous serez tout de suite accueilli comme un ancien. Je le remerciai cordialement de son offre, dont j'ai profité le lendemain, de sorte qu'aujourd'hui je suis un membre, distingué, j'ose le dire, du club des bouches closes. C'est le nom qu'ils se sont donné. Mon nouvel ami Martin me fit l'honneur inusité d'un punch. « Tu vois, ma chère Laure, comment je passe le temps ici. Mon récit est un peu long, mais je sais que tu veux tout connaître et je ne te fais grâce de rien. Venons maintenant aux choses sérieuses et désagréables. » Dès le lendemain de mon arrivée, j'allais me promener devant la porte du lycée de Rochebaron. Ah, quelle prison affreuse! La porte cochère, fermée de 5 verrous, munie d'un judas, semée de clous, et plus pesante que les portes de la fameuse villa de Gaza, me fit frémir d'épouvante. C'est donc là qu'on enferme de malheureux enfants, loin de leur mère et loin des champs et des forêts, pour leur enseigner non des idées ou même des faits, mais les règles grammaticales de 2 langues, qu'on ne parle ni en Orient ni en Occident, ni au Nord ni au Sud, et qui ne peuvent leur servir à rien, si ce n'est à remplir de tristesse et d'ennui les plus belles années de leur vie. Je fus si frappé de cette réflexion tardive que je ne voulus pas entrer au lycée ce jour-là, et j'allais faire ma visite au recteur, le célèbre et redoutable perce-pied dont Martine m'avait conté l'histoire. Le monstre était absent, ce qui me fit grand plaisir. Je déposai joyeusement ma carte et je m'enfuis. 2 jours après, même visite, même absence et même cérémonie. Je me réjouissais déjà de cette heureuse aventure et je pensais avoir rempli tous mes devoirs envers mon chef, lorsque hier au soir, en entrant au lycée pour faire ma classe, j'ai reçu tout ouvert et sans cachet le laconi billet que voici. Aussitôt après la classe, M. Cahuzac se rendra au bureau de l'académie. M. le recteur veut lui parler. Point de signature. Le timbre de l'académie, voilà tout. D'un recteur à un professeur, la distance est apparemment trop grande, suivant l'opinion de Percepied, pour qu'il soit nécessaire de faire les moindres frais de politesse. La formule « se rendra » me parut exquise, surtout venant d'un homme à qui j'avais déjà fait deux visites inutiles. Cependant, j'obéis. Après tout, que m'importe. Pourvu que je vive entre ma mère et toi, le reste m'est bien égal. La Terre peut changer de route, se heurter contre Jupiter et Saturne, et se briser en mille éclats. Je plaindrai assurément le sort de mes infortunés compatriotes. Mais si je puis trouver un asile avec vous deux sur un de ces éclats dispersés dans l'espace, si je puis vivre à tes genoux toute l'éternité, je me soucie de la Terre, de la mer, de la lune et du soleil comme d'une épingle de cuivre. Suis-je homme à me troubler de la grossièreté d'un percepied? Quant à lui, je ne doute pas qu'il n'eût préparé de loin sa harangue et cru produire un grand effet sur moi. Lorsque j'entrai, il ne daigna pas se retourner, bien qu'un garçon de salle m'eût annoncé par mon nom. Il était assis dans son fauteuil, le dos tourné à la porte où j'étais entré et par conséquent à moi, et il écrivait ou feignait d'écrire. Près de lui, un prodigieux amas de paperasse. De minute en minute, il signait quelque chose, presque sans lire, et s'interrompait pour me faire une question, mais il n'attendait pas la réponse. Après un assez long silence, il me dit, sans me regarder ni daigner m'offrir une chaise ou remarquer que j'étais debout, « C'est vous qui êtes M. Cahuzac ?» Avant de répondre, j'allais chercher un fauteuil, je me mis à trois pas de lui, je m'assis modestement mais commodément et je dis « Oui, monsieur le recteur. » Il avait fort bien remarqué que je m'asseyais sans y être invité et je vis qu'il en était surpris. Cependant, il continua ses questions en se retournant à demi et me regardant par-dessus l'épaule. « Monsieur, pourquoi n'ai-je pas encore reçu votre visite ?»« Toi qui es si bonne musicienne. » Tu sais qu'on peut chanter la même phrase et le même air de mille manières différentes. Et tu t'es amusé souvent à nous donner ce plaisir. Tu ne seras donc pas étonné d'apprendre que M. Percepied me fit cette question du ton qu'un roi nègre peut prendre avec le plus misérable de ses esclaves. Mais comme j'étais bien résolu à ne me fâcher et à ne m'émouvoir de rien, je répondis que j'avais eu deux fois l'honneur de déposer ma carte chez M. le recteur. Vous devez savoir, continua Percepied, que le domicile du recteur est à l'académie, dans mon bureau. Je n'ai que faire de vous voir dans ma maison. Je répliquai du ton le plus respectueux que j'aurais soin désormais de me conformer aux avis de M. le recteur. Puis, comme il ne disait plus rien et paraissait absorbé par les soins de ses paraphes, je me levai tranquillement et je me dirigeai vers la porte. Où allez-vous maintenant ? Demanda-t-il d'un ton encore plus brusque. Je répondis modestement que j'avais cru qu'il ne lui restait plus rien à dire et que je me retirais de peur de le déranger. « Vous ne me dérangez pas du tout, » dit cet ours mal léché. « Revenez ici. J'ai à vous parler. On se plaint déjà de vous, monsieur. Vous donnez le mauvais exemple. Vous fumez des cigares en public. Vous allez au café. Ne niez pas, monsieur, puisque vous avez tant d'horreur pour l'hypocrisie. Ah, comme je maudissais alors la fatale envie que j'avais eu de pérorer en wagon. Enfin, vous enseignez à vos élèves des choses séditieuses. Vous avez dit publiquement dans votre classe que le livre de Tacite vengeait l'humanité opprimée par les tyrans. Qu'entendez-vous par là, monsieur? Allez-vous faire un cours de socialisme aux élèves de troisième? N'est-ce pas assez qu'on ait gardé le sot usage de leur parler de Brutus, de Caton et de Caius Gracchus? Allez-vous leur proposer de tels insensés, pour exemple? Répondez, monsieur. Je me souvins alors des sages avis de mon ami M. Aubaret, et je me gardais bien de contredire Percepied. Je ne pouvais pas nier le fait principal, à savoir que j'avais fumé un cigare à 9 heures du soir avec mon ami Martine et que j'avais fait l'éloge de Tacite en classe. Enfin, comme il vit que je m'obstinais à ne pas répliquer, il me dit « J'aurai l'œil sur vous, monsieur. Je ne souffrirai pas qu'on répande dans ces jeunes âmes le venin des mauvaises doctrines. Avant tout, l'université doit prêcher l'ordre, l'obéissance au pouvoir établi, le respect de la religion et rétablir les saines traditions de l'autorité qui ont donné à la France les deux règnes immortels de Louis XIV et de Napoléon. S'il en est besoin, je n'hésiterai pas à frapper. Je le répète, monsieur, tenez-vous sur vos gardes, j'aurai l'œil sur vous. Effectivement, il faut que sa police soit bien faite pour qu'on ait remarqué, à 9 heures du soir, le seul cigare que j'ai fumé de ma vie. Car tu sais que le tabac ne compte point parmi mes vices, si je suis vicieux. Ainsi averti, je ne jugeais pas à propos d'en entendre davantage, et je pris congé de mon perce-pied, qui me rendit à peine mon salut et ne daigna pas se lever pour moi. Comme tu vois, cher Laure, mes débuts ne sont pas heureux. Cependant, mes confrères et mes élèves me font bonne mine. Le métier m'ennuie beaucoup moins que je ne l'aurais cru. Le pays est encore très beau et sera délicieux au printemps. La vie est à bon marché. Les habitants paraissent plus soucieux de bien vivre que de tourmenter leurs prochains. Enfin, excepté le bonheur de te voir, il ne me manque rien. Mais quand je ne te vois pas, terre et ciel, tout est vide et désolé. Heureusement, j'ai trouvé un nid charmant que je vous destine, une petite maison à 2 étages, ravissante dans sa simplicité. À la suite de la maison et dans la même rue, un jardin délicieux où maman pourra contenter son envie de semer le géranium et l'héliotrope, la rose et la verveine. La moitié du jardin est une prairie en miniature. L'autre moitié appartient aux fleurs et aux légumes. Au fond est un petit cabinet couvert de plantes grimpantes, de convolvulus, d'azalées, de glycines, etc. Le jardin et la maison donnent d'un côté sur la rue, de l'autre sur la vallée de la Cigoule, qui est à 300 pieds au-dessous. La maison, presque neuve, a été bâtie par le propriétaire actuel, M. de Boréas, un beau vieillard plein d'esprit, fort riche et assez original, dit-on, qui comptait l'habiter. Je ne sais pourquoi il y a renoncé. Il a du reste une autre maison à l'extrémité de la ville et il y demeure. Dès les premiers mots, nous avons été d'accord. La maison est à bon marché, 300 francs par an. C'est pour rien. Mais les logements ne coûtent pas cher à Rochebaron, qui se dépeuple tous les jours comme toutes les villes sans industrie. Monsieur de Boréas, qui comprend mon impatience de vous revoir, m'envoie à l'instant même des ouvriers pour réparer le mur du jardin qui s'est à demi écroulé en quelques endroits. Mais la maison est libre et vous attend. Adieu, ma chère âme. La pensée de te revoir me donne la fièvre. Je compte les jours et les heures. Adieu, adieu. Gaston Phébus. Triste et doux souvenir de mon bonheur passé. Voilà donc la première lettre que j'ai écrite à Laure. Voici sa réponse. Cher ami, maman se porte bien. Elle achète force vaisselle. Elle vient de mettre la main sur un palissier qui manquait à sa collection. Ton perce-pied est un malhonnête. Moi, je t'aime. Laure. P.S. Nos caisses vont partir après-demain par le chemin de fer, et nous, un quart d'heure après. Les habitants de Rochebaron, qui seraient tentés de venir nous recevoir, nous trouveront à la station le soir vers 6h15. Maman est enchantée. Elle a reçu hier des nouvelles d'Henriette. Les dollars pleuvent dans l'escarcelle de Caius. Monsieur Semi Burton fait des affaires d'or. Maman se propose déjà de chercher aux environs de Rochebaron un château à vendre. Depuis hier, elle consulte les petites affiches et lit d'un bout à l'autre la 4e page des journaux. Pour arrêter son zèle, j'ai suggéré l'idée que Caius voudrait peut-être acheter une terre en Poméranie. Pourquoi faire? Pour engraisser les oies? Je l'en empêcherai bien, répliquait maman indignée. Encore si c'était le bord du golfe de Sorrente, à l'ombre des palmiers et des orangers. Gaston Phébus, mon ami, regardez ce carré vide que je dessine à la plume au bas de ma lettre, et devinez ce que j'y mets et pour qui.